j'écris tous les jours, j'ai vu des choses qu'il faut pas. Même à côté Drogba, sur le terrain j'mets les copas. Elle m'a pisté de fou, elle fait parler de moi à ses copines. J'donne la force dans les checks, à force ma chambre c'est un coffee. Sur les réseaux j'm'éteins, j'mets le kangourou en photo de profil. De vélodrome reporté à cause du Covid. J'retrouve ma team, ça fait longtemps j'avais le cœur vide. Oh, donne pas ta langue au chat, donne pas ta langue aux chiennes. Donne pas tes plans aux autres, dis pas ce que tu fais l'année prochaine. Faudra pas changer quand l'ascenseur sera au rez-de-chaussée. Et surtout, faudra pas venir me dire abaissé. Je ne réponds plus. Si c'est ta femme, moi, je regarde pas son cul. Soleil, bandit, casse sur un gros cul. Moi, je suis gentil, mais je repère vite très très faux cul. Logique, j'ai arrêté le shit. Mais je fais que des gros cheats quand je fume la CP exotique. Sur qui tu veux que je profite? Poto, j'ai tout ce qu'il faut. Par contre, ils font les putes quand ça va bien pour eux, vis ce qu'ils font. À croire qu'ils veulent ma vie, ils voient les sous, mais c'est pas tout. Sorti de boîte, on s'est battu. Le lendemain, les aimatons. Un empire, j'ai bâti. Que des vaillants sur le bateau. Pour eux, j'ai de l'empathie. Ce soir, c'est pour moi, c'est cadeau. Je me lève sous boucan, ouais, je trottine, je fais mon shadow. Moi, je fais que du bien, ils veulent me mettre tout le monde à dos. L'assassin Mamado, la sacoche ou le sac à dos. Au rond-point, je fais ça Dakar. Tu me connais, moi, Vato. Dernier gamos, allez, vamos. Tu vois pas, je les smash, smash, smash, Roland Garros. De Marseille à Paris, c'est pas rose. Au début, j'étais pas riche, je traînais dans les parages. Demi quand y'avait barrage, y'a pas de numéro 1, gros. Je fais tout à l'arrache. De temps en temps, je me mets bien, je mets le sirop de fraise dans la hache. Groupé tout dans la loge. Groupé tout dans la loge. Groupé tout dans la loge. Groupé tout dans la loge. J'me fais des gros pétous dans la loge. Dans la loge. J'me fais des gros pétous dans la loge. Dans la loge. J'me fais des gros pétous dans la loge. Dans la loge. J'me fais des gros pétous dans la loge. Dans la loge. Groupé tout dans la loge. Groupé tout dans la loge. Groupé tout dans la loge. Groupé tout dans la loge. Groupé tout dans la loge.